Another beat by Mr. 300 Momo Production. Qui tu vas ton pénètre, pénètre, pénètre. Laisse-moi faire mon pénètre, mon pénètre, mon pénètre, mon pénètre. Qui tu vas ton pénètre, pénètre, ton pénètre. Laisse-moi faire mon pénètre, mon pénètre, mon pénètre, mon pénètre. Je suis pas très loin, vois-tu passer le féfé dans le patelin. Courir, je vous mets au parfum, je vous prends tasqué mes parfums. Tu fais du lourd, je porte le poids de toute ta famille. Je vois des petits qui pètent le pas, mais ça s'enroule pas dans ta farine. Marseille, c'est Medellin, prends des dolls sous même des livres. Nous, en flagrant délit, on va vous pousser sans délit. Devant la calache, y'a personne qui négocie. Si tu crois dans Call of, faut l'arsenal de oscille. Ça pète comme en Syrie, bientôt la guerre c'est sérieux. Bête comment survivre, mais dans le pas, tu peux que faire mieux. Ça trouve des tarifs, même caché dans une belle villa. La barque des 9 t'es trop. Ramène la plastique de Nabila. Sors tout droit de Babylone. Licotage, mobilhomme. Pour qu'on fasse un gros pilote. Pour tasser l'île, un mobilhomme. Et poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. On arrive en V12 avec des castons pour ses fous. Une époque de dingue, ma retourne en battant. En nous, on a la rage, on sera armé et battant. Qui tu vas te pénètre. Laisse-moi faire mon bénéfice. Mon bénéfice, mon bénéfice, mon bénéfice. Une époque de dingue, ma retourne en battant. En nous, on a la rage, on sera armé et battant. Qui tu vas te pénètre. Laisse-moi faire mon bénéfice. Poussez-vous. Tu fais arrive, tout le monde s'écarte, man. Tu ne croyais mort, tu craques, man. Une pour le charbon avec les flics, on joue à Pac-Man. Pour poser, non, pas de mal. J'rappe ma vie, y'a pas de mal. Tes conseils, ramballe. Faut que je bosse, y'a pas de maille. Je speed, mais y'a pas de rail. J'ai la dalle, j'ai pas graille. Moi, mes potes, j'ai pas trahi. Gros Marseille, c'est Far Cry. Ne viens pas, t'es pas taille. Tu peux t'enfiler 5 ailes. Que tu fais le bouillard, mais dans la street, tu te fais ah. Mais pourquoi tu parles mal? Pourquoi tu chez neuf? Braque le barman, dis-lui envoie. Le bénéfice, anti à taille. Quand tu vas mal, tes potes taille. 2-0-13, c'est la calage, vas-y, remballe ta box taille. Là, le rap, je le pénètre. Le problème, je le fais net. La merde en bas de ma fenêtre, pour celle qui m'a fait net. T'as pas un test sous alcool, faut te déshabituer. La prison ou le pactole, tu te fais péter ta pomme. Une époque de dingue, mal au tournant, battant. En nous, on a la rage, on sera armé et battant. Qui tu vas te pénètre. Laisse-moi faire mon bénéfice. Mon bénéfice, mon bénéfice, mon bénéfice. Une époque de dingue, mal au tournant, battant. On a la rage, on sera armé et battant. Qui tu vas te pénètre. Laisse-moi faire mon bénéfice. Poussez-vous. Tu veux la crème? Allez, poussez-vous. C'est ghetto fait depuis le début. Le game est rude. Fils de pute, allonge-toi quand on tire au but. Mes ghetto youth, défaut royal, tout va. Le coup part, tu compares la big rap à la vida loca. T'es fou, toi, la coca. Massilia, Cosa Nostra. Les calages dans le coffre, boy. Des sauts morts dans la chatte, bitch. J'ai pris une poco loco, bitch. Ghetto fino en tête d'affiche. Tu suces des bites, on kick le but. Tes kilos dans la street hit. Le talent, je vais l'étaler. Dame dans l'assiette du padre. Allez, pousse-toi, MC de merde. Mes galets n'est pas né. Du balai, balèze, à l'aise sur le beat. Comme à la barre, pareil depuis des années. Des balais, des rimes en kilo enchaînés. Allez, poussez-vous. Ghetto phénomène est de retour, boy. Croyez-vous qu'on allait vous laisser vous pavaner? Sans en nous, comment veux-tu avancer en GP? Sans en roue, c'est le ghetto qui nous a réclamé. Une époque de dingue, mal au tournant, en battant. En nous, on a la rage, on sera nu et battant. Qui tu vas stopper net, net, stopper net. Laisse-moi faire mon bénéfice. Mon bénéfice, mon bénéfice, mon bénéfice. Une époque de dingue, mal au tournant, en battant. En nous, on a la rage, on sera nu et battant. Qui tu vas stopper net, stopper net, stopper net. Laisse-moi faire mon bénéfice. Mon bénéfice, mon bénéfice. Mon bénéfice. Une époque de dingue, mal au tournant, battant. En nous, on a la rage, on sera armé et battant. Qui tu vas te pénètre. Laisse-moi faire mon bénéfice. Mon bénéfice, mon bénéfice, mon bénéfice. Une époque de dingue, mal au tournant, battant. En nous, on a la rage, on sera armé et battant. Qui tu vas te pénètre. Laisse-moi faire mon bénéfice. Poussez-vous, poussez-vous.